Un peu de bleu, un peu de vert, un peu de lumière. Seul sur mon île, le temps défile quelque part sur terre. À l'horizon, la sensation d'un infini. Cet océan paraît si grand, et moi, si petit. Un peu de sable, un peu de vague, un peu de vent. En haut de l'île, la vie défile si lentement. Là-bas au loin, le monde tourne à 100 à l'heure. Et moi tranquille, là sur mon île, le temps m'effleure. Un peu de bleu, un peu de vert, un peu de lumière. Sur mon rocher si apaisé, face à la mer. Le regard fier vers l'horizon, vers l'infini. Comme un pirate, je me sens grand. Moi, si petit.